Vous avez pu constater, l'été semble être installé ici. Ce que vous voulez, avec toute l'immigration qu'on a eue ces derniers temps, il fallait s'attendre à ce que l'été aussi arrive ici. Bon. Espérons que les Québécois ne se plaindront pas trop de cet immigré. L'été. Or, cet été, justement, comme disait Mario, on va faire une série de conférences sur des thèmes et non pas avec des titres particuliers. Ce qui fait que si, après 10 conférences, la 11e s'appelle aussi la réalité de l'homme nouveau, nécessairement, je ne me répète pas. Je ne refais pas la conférence sur le même titre. C'est un sujet. Ça va permettre de donner la possibilité aux personnes qui, après plusieurs années, découvrent le centre de l'universalité. Lorsqu'ils viennent en conférence, eh bien, on est toujours un petit peu en avance sur ce qu'ils savent. Et ça leur prend un laps de temps assez long, de temps en temps, selon les personnes, pour s'intégrer au vocabulaire et aussi aux réalités que j'ai véhiculées depuis 4 ans. En l'occurrence, l'homme nouveau, même si on a déjà parlé de l'homme nouveau avant moi, Aurobindo en a parlé, il appelait ça le surhomme. Nécessairement, comme moi, il parlait de la femme et de l'enfant. D'autres en ont parlé. On a déjà eu un livre, Les enfants du Verseau, parlait des enfants nouveaux. Sauf que dans la majorité des cas où on parle de l'ère nouvelle, de l'ère du Verseau, de l'homme du Verseau, de l'homme nouveau, de l'enfant du Verseau, de l'enfant nouveau, de la femme, etc., on n'a absolument rien compris de ce qu'était l'homme nouveau. Pas parce que ces personnes ne disent pas ce que Daniel Kemp en dit. Parce que ces personnes expliquent ce que l'homme a été dans le passé et ils espèrent que dans un avenir plus ou moins proche, le passé va refaire surface pour recommencer à exister. Donc, la majorité des personnes qui ont parlé de l'homme nouveau, dernièrement, il y a un individu, c'est le cas de le dire, qui était invité à la télévision pour en parler. Et ils n'inviteront plus jamais d'homme nouveau à la télévision depuis ce passage. Ce n'était pas moi. Et la majorité des personnes qui parlent de l'homme nouveau, qui parlent de l'enfant nouveau, sont tout à fait à côté de la traque. Je ne suis pas le seul dans le bon chemin lorsque l'on parle de l'homme nouveau. Mais il faut faire bien attention, l'homme nouveau est quelque chose qui ne ressemble pas au passé et qui n'est pas attendu par la psychologie de l'homme ancien, qui n'est pas attendu et qui ne peut être attendu par la psychologie de l'humanité. L'homme nouveau est quelque chose de neuf. Ce n'est pas l'accomplissement de l'homme ancien dans une perfection de l'homme ancien. L'homme nouveau, c'est la destruction de l'homme ancien, de la femme ancienne, de l'enfant ancien. L'homme nouveau, c'est la mort du passé. Alors, ceux qui ont parlé de l'homme nouveau ont parlé d'un être qui vivrait en paix, d'un être qui ne vivrait que d'amour, d'un être qui pourrait exprimer de l'art, faire des peintures, des sculptures, d'un être qui aimerait tout, qui aimerait les plantes, les papillons, qui aimerait les autres, un être qui ne serait pas raciste, un être qui ne ferait pas la guerre, un être qui serait la paix, un être qui ne tromperait pas sa femme ou son mari, un être qui ne se chicanerait jamais. Et bien souvent, la définition de l'homme nouveau donnée par toutes les personnalités qui en ont parlé jusqu'à date fait référence à ce que je viens de dire, c'est-à-dire à l'andouille nouvelle. Et c'est là le problème. La majorité des organisations qui parlent du Verseau misent sur l'enfant. Ils essaient, comme ceux qui font de la publicité sur l'Éthiopie, d'attirer l'adulte en leur présentant des photos d'enfants ou en leur présentant des enfants. Et encore une fois, l'humain psychologique sait très bien que les parents, en l'occurrence surtout les mères, et les mères célibataires ou les mères seules, veulent le maximum pour leurs enfants et vont donc essayer de recruter des gens en présentant un monde pour l'enfant. Le problème, c'est que toutes ces organisations du Verseau qui présentent un monde pour l'enfant ont oublié une chose, c'est que l'enfant va grandir et va devenir un adulte. Présenter un monde nouveau pour l'enfant revient à devoir exterminer l'adulte à un moment donné. Ou bien l'adulte devra se confiner à vivre en enfant, à ne pas changer le monde de l'enfant, mais à changer celui de l'adulte pour que finalement le monde reste un monde d'enfant. Alors on parle de la beauté de l'enfant, de l'innocence de l'enfant. J'ai voyagé dans des pays sous-développés. Et l'innocence de l'enfance se perd à 3 ans, à 6 ans, à 7 ans. du moment que l'adulte ne veut plus supporter l'enfant, l'innocence de l'enfant doit disparaître pour laisser place à l'adulte dans l'enfant. Cela veut dire qu'un enfant est innocent parce que les adultes supportent sur leur dos le fardeau de la vie. L'enfant est beau, innocent, il s'amuse, il ne pense qu'à s'amuser. Oui, parce que les adultes ne pensent qu'à travailler. Mais cessons de nourrir les beaux enfants, et ce ne sera pas long qu'ils vont commencer à se battre, à se chicaner pour un peu de nourriture, à se chicaner pour un peu de vêtements, pour un jouet ou deux. Laissons les enfants devoir se démerder, et vous verrez les pires humains de la planète naître. Et vous verrez pourquoi, lorsque ces enfants gâtés restent dans l'adulte, nécessairement, on a des guerres, on a des meurtres, on a des vols, des viols, des rites. On a continuellement des problèmes. Lorsque l'être humain spirituel, lorsque celui qui est manipulable, lorsque celui qui est manipulé, lorsque celui qui est convaincu qu'il a un libre-arbitre alors qu'il n'en a absolument pas, l'être humain normal, celui qui a de l'orgueil, à un point tel qu'il préfère avoir tort, mais avoir raison d'avoir dit ce qu'il dit. À un point tel qu'il préfère mourir dans une guerre absurde, mais au moins, il aura l'impression de mourir avec raison. L'espèce d'humain, que moi j'appelle l'animal humain, qui continue à penser qu'une colère juste, ça existe. Qu'une jalousie juste, ça existe. Celui qui continue à dire « ma femme », mon mari, mon ou mes enfants. Celui qui ne peut pas vivre une relation avec l'extérieur s'il n'a pas l'impression que ça lui appartient. Ça, c'est l'homme ancien, l'animal humain. Eh bien, c'est lui, présentement, qui essaie de projeter dans l'air du Verseau les excréments de son évolution. Il essaie d'envisager une ère nouvelle où tout ce qu'il a rêvé depuis qu'il est sur la planète, au nom duquel il s'est continuellement battu, il essaie de rêver à une ère nouvelle où il aura gagné la guerre. Tous les pacifistes veulent gagner leur guerre. Tous ceux qui parlent de l'enfant tapette, de l'enfant esclave, celui qui sourit à tout le monde, celui qui fait le ménage dans sa chambre, même s'il n'en a pas l'intelligence, celui qui va vous acheter vos cigarettes au magasin sans jamais chialer. Celui qui pense que l'ère nouvelle sera comme ça est celui qui pense qu'il aura gagné la guerre. Alors il va dire, oui, on veut une religion où Christ est présent. Pour que cela arrive, on aura dû convertir, gagner la guerre contre Allah et contre tous les autres. C'est celui qui dit, oui, mais on veut une éducation libre. Et c'est ce qui va arriver. Celui qui aura gagné sa guerre. Celui qui aura obligé tous les adultes du monde à laisser libre leurs enfants pour que leurs enfants apprennent ce qu'ils veulent apprendre, c'est-à-dire à mâcher de la gomme, de la réglisse, à jouer dans l'eau. Et dans deux générations d'ici, être retourné à l'époque de l'âge de pierre. Inconsciemment, psychologiquement, ceux qui font des films sont animés par cette ère du Verseau ridicule. Alors, on peut louer des films qui s'adressent justement aux jeunes, des films sur après la guerre mondiale. Les Américains en font plein. Continuellement, ceux qui survivent sont des bandits. Ceux qui survivent se battent. Ont des dunebuggies blindés, ont des camions tout à fait ordinaires blindés. Et continuellement, ce n'est que de la violence, ce n'est que de la guerre, ce n'est que de la puissance. Même ceux qui ont vu, par exemple, le film Alien 2, on voit des troupes de commandos de l'an X-Men qui s'en vont pour délivrer des fermiers galactiques, des humains qui sont basés sur une planète où l'ennemi est là. Et lorsqu'ils sont dans le vaisseau, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'engueulent, ils parlent de putes, ils parlent exactement comme la pire racaille parle présentement dans les bas-fonds de New York, en l'an 3000. Tout l'avenir est projeté par l'homme ancien dans un cadre où les couleurs auront changé, mais où l'homme ancien aura survécu. Et le problème, ce n'est pas ça qui va arriver. Il y a un homme nouveau. Il y a une réalité au niveau de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau n'est pas la projection de l'homme ancien dans un désir utopique d'aboutir à travers ses misères. Ce n'est pas enfin Hannibal qui gagne. Ce n'est pas enfin Genghis Khan qui prend le dessus. Ce n'est pas Napoléon ou Adolf Hitler avec ses idées. C'est quelque chose de neuf. quelque chose de neuf ne provient pas de quelque chose de vieux. Ça ne s'est jamais vu. Ça n'a jamais été sur la planète. Il y a eu de temps en temps des symptômes de l'homme nouveau qui ont été exprimés à travers la génétique de certains humains. Léonard de Vinci, Rudolf Steiner, Albert Einstein, Louis Pasteur et d'autres, pour ne nommer que ceux que l'on connaît du point de vue des noms occidentaux, parce qu'il y en a eu qui étaient orientaux. Il y en a eu qui étaient de couleur noire. Il y en a eu qui étaient de couleur jaune. Il y en a même eu de couleur rouge. Je ne parlais pas rouge, évidemment. Ceux qui étaient toujours bien gris, ceux qui ont trouvé la terre de plus rouge. Sauf que présentement, depuis 1969, une énergie nouvelle balaye le monde. Une énergie qui rend fou énormément de cerveaux. Une énergie qui descend quelque chose de neuf dans le monde astral de notre planète, dans notre atmosphère, dans le monde de la mort, dans le ciel, ce sont des synonymes. Une énergie qui descend de l'intelligence, et l'intelligence dans le monde de la mort est lue par les dieux planétaires, les dieux les plus bas des hiérarchies divines, le dieu de la matière, celui qui crée les mondes, et auxquels les humains sont reliés, parce que les humains y sont reliés, étant donné qu'ils sont leurs esclaves. Les humains peuvent s'abreuver au sein des dieux, et les dieux lisent ce que l'intelligence supramentale laisse comme trace dans le monde de la mort, dans le ciel. Et lentement, la planète au complet vibre un air nouvel. Un air nouvel qui n'appartient pas à cette planète. Un air nouvel qui n'appartient pas à l'homme ancien, à la femme ancienne et à l'enfant ancien. Un air nouvel qui descend dans le monde de la mort de façon à instruire les forces astrales que quelque chose de neuf est en train de naître à la surface de cette planète qui, à travers l'évolution de plusieurs humanités, aboutit dans un legs génétique, un corps physique suffisamment solide, qu'une intelligence pourra l'habiter, donnant naissance à un homme, à une femme et à un enfant nouveau. Étant donné que le monde de la mort est aplani, comme Jean le Baptiste avait préparé le terrain, Jean le Baptiste avait parlé. Parlant, il instruisait les oreilles de l'homme, donc l'ego de l'homme. Mais parlant, il aplanissait surtout les sentiers du monde de la mort, permettant à un véhicule neuf et à une condition neuve de naître. En l'occurrence, l'état christique, le nazaréen, le premier être humain à avoir reçu un contact supramental. Supramental, au-delà du plan mental, quelque chose qui est extraterrestre et qui n'a rien à voir avec les extraterrestres. Étant donné que l'homme ancien projette et lit continuellement dans le monde de la mort ses projections au niveau de l'avenir, parce que l'homme ancien vit d'une façon différente de l'homme nouveau. L'homme ancien, il prend son passé, sa mémoire, et il l'extrapole dans l'avenir. De cette façon, il pense connaître l'avenir. Malgré qu'il croit avoir un libre-arbitre, il va voir les astrologues pour connaître sa destinée. Il se fait tirer aux cartes, il se fait faire son biorhythme pour découvrir comment il est l'esclave des rythmes biologiques de son corps. Et il essaie de connaître l'avenir à partir de l'extrapolation de son passé. Ils vont même se faire lire les lignes de la main qui dénotent exclusivement ce qu'est l'être humain depuis sa naissance. Tout ce qu'il a été inclus dans les lignes de la main. Et les lignes changent au fur et à mesure du changement psychologique ou amique de l'homme. Comme sa face, elle change. Mais c'est le passé que l'être humain voit. Alors il regarde les lignes de la main et il voit l'extrapolation de sa vie. Et il dit, tu feras ceci, tu auras cela. En réalité, il ne peut connaître que cela, l'avenir, parce qu'il voit le passé. Mais l'homme nouveau travaille différemment. L'homme nouveau, lui, connaît l'avenir. Il connaît les différents futurs possibles. Et il oublie les passés possibles. L'homme ancien, lui, connaît les passés possibles. Il les recherche dans son archéologie ou dans sa science du passé, la science préhistorique ou historique. Il essaie de connaître les causes, les différents passés qui ont pu donner naissance à ce qu'il appelle le présent. L'homme nouveau, lui, étudie l'avenir. Et il a des techniques neuroniques, endocriniennes. Il y a des manières qui sont accessibles à l'homme nouveau pour connaître l'avenir, connaître les différents futurs possibles où il vit déjà, lui. Et à partir de cela, il a la faculté de choisir lequel des futurs possibles il veut vivre. Choisissant lequel des futurs possibles il veut vivre, il transforme le présent pour annihiler, pour détruire toutes les tendances des autres futurs possibles à venir le manipuler, donnant chez lui l'indécision, le doute, et amena l'homme ancien à ne jamais être capable de prendre une décision convenable. Tandis que l'homme ancien lui regarde le passé, et il essaie de se rappeler le passé pour ne pas recréer les erreurs dans l'avenir. Mais ne se rappelant que le passé, il ne peut qu'enligner des avenirs construits par le passé. Et tout avenir construit par le passé amène toujours dans le passé. Alors, si nous voulons éviter une guerre nucléaire, en faisant ce que dans le passé nous avons déjà fait pour éviter les guerres, chaque fois que l'être humain a construit une arme, il a toujours fini par s'en sortir. Alors on s'est dit, construisons des armes tellement horribles, tellement puissantes, qu'on engendrera quelque chose de neuf, la dissuasion. Mais la dissuasion, elle a existé à l'époque de Troie. On prenait des otages pour dissuader. La dissuasion, elle a existé à l'époque de Rome. On prenait des otages, comme à Massada, pour dissuader. Et aujourd'hui, la guerre de dissuasion, elle est nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. On prend les pays comme otages pour dissuader. Alors, si on regarde l'avenir construit par l'homme ancien à partir de sa trame du passé, il a toujours refait ce qu'il a toujours fait. L'homme nouveau travaille à partir des futurs possibles. Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il vit dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il y a déjà dans cet avenir où l'homme peut se diriger? Du point de vue psychologique, disons, qu'est-ce qu'on aimerait vivre? Et si on aime vivre quelque chose, c'est que déjà on y est présent. Parce que la psychologie de l'homme, l'âme de l'homme, ne peut aimer, désirer ou connaître une chose qu'elle n'a pas expérimentée. On a parlé longtemps du processus réincarnatif. Moi, j'ai amené des choses neuves sur le processus réincarnatif. On va y revenir dans cette série de 10 conférences. Et on a dit, l'homme meurt, mourant, il va dans le monde de la mort, il se repose, il regarde les conneries qu'il a fait, autrement dit, il regarde toute sa vie. Et puis, il choisit son corps, sa famille, son monde, et il se réincarne en ayant tout oublié. Ce qui n'est pas la réalité. Alors moi, j'ai rajouté que l'être humain se réincarnait d'une façon pluralitaire. Que l'être humain, lorsqu'il gagnait le monde de la mort, mourait pour une deuxième fois, se dissolvait. Il était digéré dans le monde de la mort comme le corps est digéré dans le monde de la matière. Et que c'était des associations vibratoires de personnalités réincarnatives qui reprenaient un corps à un moment donné. C'est pourquoi l'être humain ne se rappelle pas de son passé, parce que finalement, il a tellement eu de passé qu'il n'arrive pas à suivre une trame. Mais il y a des choses que je n'ai pas dites et que je vais dire, que je vais rajouter à ce que j'ai déjà dit dans ces dernières 4 années, à partir des thèmes que nous allons aborder les 9 prochaines hautes conférences. C'est qu'il y a énormément de personnalités réincarnatives du passé qui se réincarnent dans l'homme, engendrant des constitutions égoïques pluralitaires, des égos pluriconstitués, des égos qui sont un paquet de monde pognés ensemble. Tant que l'enfant est un enfant, le corps physique, c'est lui qui attire l'âme, l'âme ne choisit jamais son corps. Tant qu'il y a l'enfant, l'enfant réincarne des mémoires personnalisées, pluralitaires, fusionnées d'enfants. Lorsque l'adolescent apparaît, lorsque le corps devient procréateur, lorsque le corps devient génétiquement sexuel, il y a énormément d'autres formes d'hormones qui sont sécrétées. Et le système endocrinien est la voie par laquelle s'exprime l'âme. Étant donné qu'à l'adolescence, à la puberté, le corps physique change, l'hormone, le système hormonal commence à travailler drôlement plus puissamment. Là, l'enfant commence à réincarner des mémoires du passé d'adulte. Et c'est là qu'il y a une guerre entre ces personnalités réincarnatives, où l'enfant, où le corps de l'enfant sera totalement possédé, et où tout ce qui a constitué l'enfant sera détruit, digéré par les réincarnations pluralitaires des adultes. Et on appelle cela la crise de l'adolescence, où l'enfant devient violent comme il n'a jamais été violent. C'est normal, ce qui le possède maintenant est nouveau. Où l'enfant devient perdu, où l'enfant ne sait plus. C'est normal, l'enfant ne sait pas. L'enfant est en train de devenir un adulte, de par le principe de la réincarnation, qui se fait 24 heures sur 24 tout au long de la vie d'un corps physique. Ce que l'on peut maintenant rajouter, c'est que la majorité des réincarnations qui viennent habiter l'être humain, celles qui seront prépondérantes sur son avenir, ne proviennent pas du passé, mais proviennent de l'avenir. Il y a des personnalités mortes qui se réincarnent d'une trame de l'avenir et qui viennent habiter le corps physique de l'homme. C'est ce qui va permettre à un corps physique de se diriger vers un avenir potentiel. Les mémoires qui habitent un avenir particulier veulent un corps physique pour confirmer leur vécu. L'homme nouveau ne fait pas partie de tous les avenirs possibles de l'humanité. L'homme nouveau fait partie d'une moitié des futurs possibles. L'homme nouveau ne fait pas partie de tous les futurs possibles de l'humanité, ce qui nécessairement implique le fait qu'il y a de plus en plus de réincarnations de mémoires futures de l'homme nouveau à l'intérieur des enfants. Depuis 1972, surtout, les enfants qui naissent sont habités par des mémoires réincarnationnelles d'enfants nouveaux qui viennent se servir du corps physique de l'enfant pour tempérer la mutation de l'adolescence, de façon à forcer le corps physique et la psychologie de l'enfant à ne plus vivre la crise de l'adolescence telle que l'humanité l'a toujours connue. Cette réalité versus l'homme nouveau est de plus en plus évidente. Alors, il y aura une dissociation, un déphasement entre l'enfant nouveau et la crise de l'adolescence, alors que la réincarnation pluralitaire de mémoire d'enfants nouveaux, donc d'enfants qui font partie d'une trame intelligente de l'avenir, vont se réincarner. Cela va permettre à l'enfant de vivre une association psychologique d'identification que normalement, là, l'enfant ancien vit à l'adolescence biologique, vers 12 à 14 ans. L'enfant nouveau le vivra vers l'âge de 3 à 7 ans. Étant donné qu'il aura son identification avant la crise pubertaire, lorsque la crise pubertaire va arriver, il y aura maintenant quelque chose dans la psychologie, dans l'âme et dans le corps de l'enfant qui va être capable de lutter contre l'assaut de réincarnation d'êtres humains adultes provenant du passé qui vont vouloir posséder le corps physique pour l'enligner vers une trame où l'enfant nouveau n'existe pas. Cela veut dire que toute la société va se monter contre l'homme nouveau, que toute la société va se monter contre l'enfant nouveau, que toute la société va se monter contre la femme nouvelle. Pour la simple raison que chaque fois qu'un minage... Le minage est le processus par lequel l'avenir vient obliger le présent à abandonner son passé, se diriger vers un avenir qui n'est pas enligné par ce passé. C'est un minage. Ça fait exploser des formes à l'intérieur de l'ego de l'homme ancien. Et les formes qui explosent permettent à des personnalités réincarnationnelles neuves, provenant de l'avenir, de pouvoir habiter l'âme de façon à permettre la mutation et engendrer un phénomène de choix, de décision irréversible, qui obligera le corps physique, nouvellement habité, à se diriger vers un monde nouveau où seul l'homme qui a une intelligence, qui a du cœur. Aurobindo a parlé de mutation biologique. Krishnamurti a parlé de mutation psychologique. Les deux ont raison. La mutation biologique, neuronique et endocrinienne engendre nécessairement une mutation de la psychologie. On n'a qu'à prendre de l'alcool pour voir la psychologie se transformer. Le corps physique est donc extrêmement important dans l'expression de la psychologie. Psychologie, expression de l'âme. Lorsque le corps physique change, la psychologie change. Les personnalités réincarnatives qui vous habitent lorsque votre corps change sont obligées de vous fuir. S'ils ne vous fuient pas, ils seront digérés. La partie qui ne veut pas être digérée fait partie de ce que j'appelle l'anti-homme. Nécessairement, comprenons bien, anti-homme nouveau. La partie qui est assimilable et digestive fait partie de ce que j'appelle l'homme nouveau. Ça vaut autant pour la femme et l'enfant. Alors, il y a ceci de réel. Il y a, depuis 1969, un minage majeur qui s'est fait dans la tête de certains adultes. En 1969, deux ou trois adultes sur cette province de Québec ont été atteints de plein fouet par des personnalités réincarnatives qui provenaient d'un monde neuf de l'avenir. De cette trame de l'avenir où vit l'intelligence, l'humanité aura à choisir dans les 10 prochaines années, théoriquement. Mais le minage de l'homme nouveau va s'accomplir et va s'amplifier dans les 10 prochaines années, ce qui va retarder le choix de l'humanité à 20 ou 30. Années. Et c'est pourquoi tous les prophètes ne sont jamais parvenus à déterminer une date précise de l'apocalypse, la destruction de l'homme ancien. Ils ne sont jamais parvenus à mener une date précise sur l'apothéose, la continuation de l'homme nouveau. Parce que le passé prévoit la fin du monde, la fin du monde ancien, comme les Renaissances ont été des fins du monde. Elle le prévoit pour l'an 1986. Étant donné que le passé ne peut pas connaître le facteur de la réincarnation de l'avenir, étant donné que dans le passé, ça ne s'est pas suffisamment arrivé, mais percevant qu'il y a une manipulation de l'enlignement, aucun prophète ne peut donner de date. Alors on parle de 1986. Alors on parle de 1988. Alors on parle de 1990. On parle de 1997 selon Nostradamus. On parle de 1999 comme étant le summum de l'Apocalypse. Et d'autres parlent de 2023. Il y a simplement que le minage de l'homme ancien par la réincarnation de personnalités nouvelles, d'hommes, de femmes et d'enfants nouveaux, donne de l'hésitation à l'humanité. Ceux qui feront la guerre sont l'hémisphère nord. Ceux qui évolueront le plus rapidement vers l'homme nouveau seront donc l'hémisphère nord. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent être minés, c'est ceux qui ont la possibilité de détruire le monde. Ce n'est pas exclusivement question de race. L'hémisphère sud est épargné. Elle ne peut pas engendrer de guerre mondiale. Et nécessairement, l'intelligence ne descend pas chez elle pour l'instant, à part quelques rares exceptions. Et à un moment donné, le minage se poursuivant, l'humain vivra des changements. Des changements que vous allez connaître, que vous connaissez peut-être déjà. Mais l'adulte a beaucoup plus de mémoire soudée à son égo. Beaucoup plus de mémoire appelée expérience. Il est beaucoup plus identifié que l'enfant. C'est pourquoi les réincarnations pluralitaires du monde nouveau, de l'avenir, préfèrent l'enfant. L'enfant n'a pas beaucoup d'expérience et l'enfant a une génétique qui n'est pas encore identifiée. Alors, c'est beaucoup plus facile pour l'intelligence supramentale, ce qui provient d'une trame à venir de l'homme, de bénéficier d'un corps physique jeune, neuf, pour se réincarner que d'un corps d'adulte. Le problème, c'est que l'adulte, l'homme ancien, s'éliminera lui-même de la surface de la planète. Et il n'y aura pas d'homme ancien qui va survivre. Ça survit toujours, l'homme ancien. Ça s'attache. Les mauvaises herbes, c'est dur à éliminer. Sauf que les mauvaises herbes, dans le cas de l'homme ancien, a déjà vécu sur d'autres planètes. Et l'homme ancien, l'animal humain, a toujours eu le même problème. Lorsqu'il en arrive à un point technologique de son évolution, lorsqu'il a la faculté de se détruire, de s'exterminer, il l'a toujours fait. C'est pourquoi la majorité des planètes de cet univers ne sont pas habitées, mais ont été habitées par des races d'animaux humains qui ont développé leur système endocrinien, leur système neuronique, de façon un jour à recevoir de l'intelligence. Mais en même temps, pour pouvoir supporter l'expression de leur évolution, ils faisaient évoluer la matière, ce qui est logique, ce qui est intelligent. Et jamais ils ne sont parvenus à se libérer de la matière parce qu'ils ont toujours engendré des sociétés de compétition et des sociétés de consommation, où la matière devenait un autre, une extension de leur identité, ne s'identifiant pas seulement à leur corps physique, ils s'identifiaient maintenant à leur possession, à leur automobile. Tiens, j'ai un flat, à leur maison. Tiens, ah oh oui, hier, je passe au feu. Et s'identifiant continuellement à leur matière, ils n'ont pas su se servir de la matière et de la technologie pour s'en libérer. Tous ces animaux humains qui ont habité d'autres planètes, de d'autres systèmes solaires, de d'autres galaxies dans cet univers, lorsqu'ils ont eu la possibilité de se détruire, ils se sont toujours détruits. La planète Terre approche de ce choix. L'humain a la possibilité de se détruire technologiquement depuis déjà 30 ans. Mais l'humain n'avait pas la force psychologique de supporter sa destruction. Il l'a presque. Dans les 10 prochaines années, l'humanité aura la force psychologique de supporter son anéantissement. Déjà, beaucoup d'humains civils sont capables de dire, « Moi, j'ai une guerre nucléaire, je veux être dans les premiers à mourir. » L'humain est de plus en plus capable de supporter son anéantissement. L'humain perd dans son évolution la faculté de survivre. Il veut vivre avec son Walkman ou mourir. Et c'est le la problématique de l'offre. Ce qui sait dire non à tout ce qui n'est pas intelligent fait partie de ce potentiel d'homme nouveau. L'adulte qui accomplit que ce qui est intelligent d'accomplir. L'adulte qui se fout de faire l'erreur, il accomplit ce qu'il voit comme étant accomplissablement intelligent, conséquentiel, écologique. Et il est prêt à l'accomplir contre l'humanité s'il le faut. Celui-là vient de s'enligner dans un avenir possible. Un avenir neuf où il y a l'homme nouveau. Il y a des problématiques. C'est que si vous choisissez de devenir des hommes, des femmes et des enfants nouveaux, si vous choisissez un avenir intelligent, cela veut dire qu'à partir de votre choix, à partir de l'instant, de la coordonnée temporelle de votre décision, vous refuserez de laisser s'exprimer par votre corps, par votre gestuelle et par vos actions, tout ce qui mène l'humanité vers un apocalypse idiot. Tout ce qui mène l'humanité vers un avenir comme celui que nous connaissons depuis déjà des milliers d'années. Un avenir où l'homme devra encore travailler pour gagner sa croûte, alors que la terre se force pour la lui fournir gratuitement. Un avenir où l'homme sera encore l'esclave de la matière, alors que la technologie se fend derrière pour arriver à créer suffisamment de robots pour libérer l'humain, pour que l'humain puisse prendre son temps de vie pour vivre. Lorsque l'être humain fait ce choix, il détruit les avenirs possibles vers lesquels il se dirige. Les avenirs possibles qui ne font pas partie de son choix. Alors si un jour vous décidez de devenir un homme nouveau, une femme nouvelle, un être humain qui vit d'amour intelligent et non pas d'amour spirituel émotif, un être humain qui a la faculté de mourir sans que ça le dérange parce qu'il sait vivre, un être humain qui a la faculté d'exprimer de l'intelligence qui est conséquentielle. Un être humain qui sauve l'énergie et non pas son énergie. Un être humain qui travaille sur des plans qui s'échelonnent sur 500 à 1000 ans et non pas seulement sur les 10 ou les 15 prochaines années de sa vie. Un être humain qui sait très bien que la réincarnation existant, de toute façon, travaillons donc pour l'avenir, pas juste pour maintenant. Un être humain qui comprend l'intelligence d'améliorer la génétique des corps physiques dans l'avenir de façon à éliminer la maladie de la surface de la planète. Un être humain qui comprend l'intelligence. Si vous prenez un choix d'homme nouveau, sachez une chose, c'est que si l'humanité fait le mauvais choix, vous n'existerez pas dans ce monde. Si l'humanité fait le choix de l'homme ancien, tous ceux qui auront choisi l'homme nouveau cesseront d'exister en tant qu'humains dans une humanité évolutive. Cela veut dire que lorsqu'un enfant est nouveau et que l'enfant y tient mordicus et que l'enfant est génialement intelligent, l'enfant ne peut ne pas aller à l'école parce que l'école est stupide, mais on voit dans l'enfant de l'intelligence à en être jaloux. Et si l'humanité fait le mauvais choix, cet enfant-là n'existera plus. Premièrement, l'humanité va s'occuper de l'éliminer, sinon elle va lui-même se suicider, mais il ne fait pas partie de l'avenir de l'homme ancien. Alors, lorsque j'ai dit cela à un moment donné à ceux qui avaient fait mon séminaire lors d'une conférence spéciale, la question était, oui, mais il arrive quoi si on n'existe plus? Moi, mon choix, il est fait depuis déjà 2000 ans. Je ne vais pas dans une humanité d'homme ancien. Recommencer sans arrêt le même cheminement n'est pas intéressant. Imaginez-vous, de milliers d'années en milliers d'années, revoir les mêmes vieilles vues. Réécouter les mêmes chanteurs, recommencer sans arrêt la même humanité, ça devient stupide. De voir l'humain triper sur une automobile qui fait 12 km à l'heure, quand on sait qu'un jour, l'automobile ne touchera même pas à terre, voyagera beaucoup plus vite que l'humain peut imaginer. Quand on voit l'humain se casser la gueule à vouloir voler, quand on sait qu'un jour on volera, recommence tout le temps, non. Alors moi, je préfère ne pas faire partie d'un avenir d'homme ancien. Alors, il arrive quoi à ceux qui ont fait le choix de l'homme nouveau? Est-ce qu'il arrive quelque chose de merveilleux? Non. Parce que s'il arrive quelque chose de merveilleux, tous les hommes anciens vont faire le choix de l'homme nouveau pour la carotte. Et tous ces hommes anciens qui auront fait le choix de l'homme nouveau pour la carotte, un jour, disparaîtront. Parce que si l'humanité fait le choix de l'homme nouveau, tous ceux qui n'ont pas l'intelligence d'être conséquentiels, tous ceux qui n'ont pas compris l'intelligence de l'évolution améliorative, tous ceux qui se servent de leur vie comme passe-temps et qui s'occupent de leur vie à passer leur vie, ne pourront pas être là. Ils s'extermineront eux-mêmes. Et ils ne pourront pas supporter la pression formidable de l'intelligence à travers l'homme parce qu'ils n'auront pas prévu qu'ils devaient changer leur corps, l'améliorer. Alors, il arrive que si l'humanité fait le choix de l'homme nouveau, et moi je fais tout pour qu'elle le fasse, et d'autres personnes font tout pour qu'elle le fasse, et de plus en plus, mes alliés, si on peut dire, qui se réincarnent à travers les enfants, vont tout faire pour que ces enfants-là minent le monde astral, le ciel, de la psychologie de l'homme ancien, pour que celui-ci existe suffisamment longtemps, pour qu'il y ait suffisamment de réincarnation d'enfants et d'hommes nouveaux sur la planète et de femmes nouvelles, pour que l'instruction à travers les mass médias, à travers les écrits, les livres, à travers les films, à travers les expériences comme le projet OFSA, à travers la technologie, oblige l'humanité à faire le mauvais choix pour elle, mais le bon choix pour l'homme nouveau. Alors l'humanité fera un choix qui enlignera toute sa structure évolutive vers une phénoménologie nouvelle, qui nécessairement digérera toute la mémoire du passé, et dans un instant qui s'échelonnera sur quelques centaines d'années, l'humanité actuelle ainsi que toute son histoire n'auront jamais existé. On ne parlera jamais de cet avenir pourri, de cet avenir où l'homme se battait entre lui, de cet avenir où la femme n'avait pas d'âme, où la femme était l'esclave du mâle, de cet avenir où la troisième sexe, l'enfant, était un être à remplir d'imbécilité pour en faire un adulte convenable. Ce passé n'aura pas existé. Ce ne sera pas utile qu'il ait existé, parce que l'avenir nouvel ne sera pas basé sur lui. Alors, on n'aura pas besoin de la leçon du passé. L'homme n'apprend rien. L'homme ancien n'apprend absolument rien. Il mémorise les choses du passé, il s'en nourrit pour avoir peur ou pour être heureux, et il les répète inlassablement. Il conquit. Si un jour l'humanité arrive à s'associer entre elles, c'est parce qu'il y aura une attaque d'outre-espace. Si un jour une météorite formidable fonce vers la Terre, alors on pourra être sûr que la majorité des armes nucléaires seront dirigées vers ce météorite et les armes nucléaires seront soviétiques et américaines. Et les deux peuples s'allieront pour pouvoir survivre de façon à pouvoir se tuer eux-mêmes. Il n'y a rien de plus con pour des forces militaires que de se faire anéantir par une roche qui tombe du ciel. Alors les armées de toutes les nations, les grandes puissances, vont s'unir pour la détruire, cette météorite. Et là, on va dire, bon, l'humanité a vécu en paix. Ils se sont associés. Oui, comme lorsque les Russes se battaient aux côtés des Américains contre l'Allemand. C'était des alliés. À l'instant où l'Allemagne a capitulé, les regards des deux nations qui regardent l'Allemagne se sont levés les uns vers les autres. Ils se sont dit, maintenant, le prochain, ce sera toi. Tel est l'enseignement de l'histoire. Et on la répète. On étire les choses, parce que l'intelligence descend dans le cœur de l'homme. Ça étire. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de guerre majeure. Mais les deux grandes nations font des guerres pareilles, parce qu'ils ont énormément d'énergie à perdre. C'est comme le gars qui est chaste et pur et qui ne fait plus l'amour avec les femmes. Bien, il se masturbe de temps en temps, parce que sinon il sauterait. Les Américains font des masturbations militaires avec le Vietnam, avec les grenades, avec le Guatemala, avec le Salvador. Les Russes font une masturbation militaire avec les pays qu'ils doivent conquérir. L'Afghanistan, il y a eu aussi le Vietnam, et nécessairement, ils nourrissent d'autres peuples. Mais à un moment donné, ils auront besoin d'une femme. Et les deux se feront trouver. Ils feront la guerre. Si l'humanité fait le choix. Même à travers une guerre mondiale, l'homme nouveau peut naître. Parce que ce n'est pas la guerre qui va être le choix déterminant de l'homme ancien ou de l'homme nouveau. C'est après. S'il n'y a pas de guerre, ce n'est pas un problème. Et la guerre n'est pas le point déterminant. Alors, l'homme nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement la manipulation totale du corps physique de l'homme ancien à travers la réincarnation pluralitaire de phénomènes qui viennent de l'avenir et qui vont se servir des corps physiques pour manipuler l'humanité de façon à ce que l'humanité fasse un choix, le choix de l'homme nouveau, ce que l'humanité se dirige vers un avenir conséquentiel, écologique, intelligent, un avenir libre. À travers tous ceux qui évoluent, il y a quelque chose de neuf qui, à un moment donné, apparaît. Des questions neuves. La question neuve est nécessairement amenée par le passage de l'énergie neuve. Donc, la personne qui pose une question neuve est un potentiel à l'homme nouveau. Il y a par la suite le refus de la stupidité, de l'absurdité, de l'imbécilité. Appelé dans les termes d'évolution, le refus du collectivisme. Le collectivisme inconscient. L'homme nouveau vivra un collectivisme conscient. Il aura une conscience individuelle et cette conscience individuelle lui permettra de s'associer avec d'autres dans une union limitée. La conscience de l'homme ancien est collectivement relié, c'est un collectivisme inconscient, alors que lui a l'impression d'être individuel avec son libre arbitre. Patate. Et lui vit une union illimitée. L'homme ancien a exclusivement besoin des autres pour se nourrir. Des autres pour se nourrir du point de vue astral, du point de vue émotif, du point de vue de l'âme. Évidemment, du point de vue biologique, mais là n'est pas c'est pas important. C'est pas grave, c'est correct, ça. Du point de vue astral, oui. Il a besoin qu'on le trouve beau. Il a besoin qu'on le trouve fin, intelligent. Il a besoin de montrer ses muscles. Il a besoin qu'on le trouve fort. Il a besoin qu'on le trouve viril et sexy. Il a besoin qu'on le trouve belle. Il a besoin qu'on le trouve courageux, qu'on le trouve évolué. Il n'y a pas un homme ancien sur la planète qui arriverait à vivre s'il serait tout seul. Avec un miroir, c'est pas trop pire. Il pourrait au moins se regarder la face. Mais sinon, on voit des animaux sortir de leur automobile, rentrer dans un centre d'achat, puis avant de rentrer, ben, ils servent de la vitre. Ben, ils rentrent, deuxième vitre, des portiques. Ben, ils rentrent en dedans, puis à tout bout de champ, s'il y a quelque chose, un miroir. Personnalité, l'excrément de l'évolution. Ce que l'animal ne sait pas, c'est qu'un jour, il aura des rides. Un jour, il sera plié. Un jour, sa vision sera tellement faible qu'il n'y aura même plus la possibilité de se regarder dans un miroir. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'animal? Profitons-en pendant que ça passe. On pourra en souffrir plus après. Le choix de l'homme nouveau, c'est autre chose. L'homme nouveau n'a plus d'ego. L'homme nouveau ne souffre donc plus psychologiquement. L'homme nouveau ne se pose plus aucune question parce qu'il a instantanément accès à toutes les réponses. L'homme nouveau aime d'un amour intelligent et non pas d'un amour conditionnel, sélectif, psychologique, irrespectueux, comme l'homme ancien le fait. Et nécessairement, l'homme nouveau se fout royalement d'être un homme nouveau. L'homme ancien a besoin de savoir ce qui est nouveau. Ben, il va le demander à quelqu'un d'autre. L'homme nouveau a un savoir instantané. Il a un contact total avec son intelligence, avec son esprit, avec le plan supramental, avec le plan christique. C'est la même chose. Et l'homme nouveau ne vieillit pas. Il ne se réincarne plus et il ne meurt plus. Et pour l'homme ancien, n'ayant pas connu ces choses dans le passé, il dit, « Ben voyons donc. » Regarde l'autre. C'est ça, le neuf. Par contre, il y a l'intelligence là-dedans. L'homme ancien a voulu se véhiculer plus rapidement. Alors, il a réussi à dresser le zèbre, le cheval, le dromadaire, le chameau, le bœuf, l'âne. L'âne, c'est pour ceux qui ne veulent pas aller trop vite. Bon. Alors, il a réussi à dresser les animaux. Quand il a cessé de les manger. Alors, il s'est rendu compte que c'était peut-être plus économique de travailler avec l'animal plutôt que de le tuer, de le chasser et de le bouffer. L'agriculteur, c'est lui qui a engendré les nations, pas le chasseur. Le chasseur était manipulé par la fuite de l'animal, par le besoin continuel et la peur de manquer d'alimentation. Si le corps physique souffrait, l'ego voulant pas souffrir, le corps travaille. Mais lorsqu'on a eu le cheval pour se voyager, on l'a fait courir pour aller plus vite. On l'a claqué pour aller plus vite. Et on a fini par inventer des bateaux, par inventer la machine à vapeur. Et là, on a eu des trains sur des rails, le cheval vapeur, pour aller plus vite. Et on s'est dit, lorsqu'on aurait le cheval vapeur, le train, on n'aurait plus peur. Vapeur. On s'est dit ça. Mais c'est faux. Ça a été très, très, très rapide que le train n'était pas assez rapide. Alors, on a inventé le moteur à explosion. Et on a inventé des automobiles qui allaient de plus en plus rapidement. Et des moyens de communication de plus en plus rapides. Après le morse, après le téléphone sans fil, la radio, le FM. Ça voyage à près de 300 000 km à la seconde, c'est assez rapide. On a inventé la vidéo, la télévision. On a inventé les satellites. Les avions supersoniques. Mais quand est-ce que l'homme ancien va assez vite? La femme avant, elle n'avait pas le temps tellement de se mettre belle. Il fallait qu'elle lave le poêle avec la brosse d'acier, puis avec la barre de métal, puis le marteau. Le bonhomme, il fallait qu'il coupe le bois pour faire chauffer le poêle. Aujourd'hui, c'est auto-nettoyant avec des laveuses, des sécheuses, des fours micro-ondes et tout le tralala. On n'a pas le temps. Et qu'on ne voit donc pas le temps passer. C'est drôle parce que si on fouille dans la mémoire astrale d'une personne qui a vécu v'là 50 ans ou v'là 100 ans, puis on lui dit, pense à ta maison. Tu vas te chauffer convenablement dans chaque pièce avec de l'électricité. Tu auras un four que tu mets une patate là-dedans, tu payes, puis après 2 minutes, elle est prête. Tu veux faire décongeler quelque chose, tu auras même des congélateurs. Tu as besoin de glace. Ça marche seul, ça dégive tout seul, de temps en temps. Un congélateur, un frigidaire. Tu auras clic cuisinière, puis la boucane sort par une fan qui l'amène, ça met ça dehors. Ton linge, tu mets ça là-dedans, tu fais ici, puis tombe, ça va te coucher. Pour le faire sécher, pas de corde de linge, voyons donc, c'est un petit balcon en train de minimiser, puis pas au vent, puis des petites poignées en dedans, de me faire tirer là-dessus, puis de temps en temps, ça faut changer la corde, puis le poteau qui vient vers toi, plus tu mets du poids dessus, la voisine, la concurrence, si elle en met l'autre bord, puis. Essaye juste d'imaginer que quand tu sors, même en plein hiver, tu embarques dans ton automobile, tu mets le chauffage, les roues d'hiver, ils ont tout soufflé la neige en avant de toi. Ils ont mis du calcium dans les rues. C'est éclairé même le soir, avec des lumières, c'est promis sur les trottoirs, plus de danger. Pas de trottoir de bois, de ciment. Le linge, tu le fabriques même plus, tu vas fouiller, tu as le juchoir en masse. Essayez de dire ça à votre arrière-grand-mère, puis dites-lui simplement comment qu'elle vivrait là-dedans. Elle vous parlerait du paradis. Elle était heureuse, c'est incroyable. Elle pourra même écouter l'orchestre complet qu'elle va voir une fois par année pour aller écouter chez elle. Elle dit, écoute, les petites vues en noir et blanc, pas de son, elle les verrait en couleur, en quadriphonie. Haute fidélité. Alors, qu'est-ce qu'elle dirait? Vous voulez faire du jogging, vous achetez une paire de souliers pour en faire. À l'époque, on prenait les mêmes bottes. Vous allez dans une soirée, on met une autre paire de souliers, même bottes. Il fait chaud, on climatise. Il fait chaud, tu pues. Continuellement. Là, vous, vous arriveriez à côté d'un lac avec votre canne à pêche en fibre de verre avec le truc au complet, les hameçons, tout le kit de moineaux que tous les poissons aiment. Puis là, vous lancez ça là, puis le gars à côté, il regarde, il vous regarderait, puis il dirait, lui, il fait ça pour se distraire. Moi, je fais ça pour manger. Vous allez camper maintenant avec des tentes, alors qu'avant, on vivait dans les tentes. Alors, imaginons comment le paradis serait. Il serait comme il est aujourd'hui. Il y a un problème. La grand-mère n'a pas changé. C'est là le problème. L'homme ancien. Il est comme l'humanité a toujours été. La grand-mère était assez chioleuse. Aujourd'hui, elle a son micro-ondes, pas chiole, pareil. C'est long. Des fois, c'est juste trop long d'apprendre comment s'en servir. On n'a même plus le temps d'apprendre à sauver du temps. On court juste plus vite. Il faut que l'homme nouveau naisse. Il faut que la femme nouvelle naisse. Il faut permettre à l'enfant nouveau d'être ce qu'il est. Parce que le monde est imbécile. Je ne parle pas de l'humain, je parle de la planète. Alors, quel que soit ce que nous allons technologiquement engendrer, si nous ne changeons pas, si nous ne mutons pas, si nous n'abdiquons pas face au passé, et si nous n'oublions pas le passé, si nous n'arrachons pas cette vieille peau de nous, la peau de l'être ancien, pour laisser naître l'être nouveau, il y aura un problème. L'être humain se dirige continuellement vers la répétition et la fable de ce qu'il fait. Ce n'est pas un problème. Si on détruit la planète, on en a déjà détruit des planètes. Eh bien, il y aura une cristallisation d'un autre système planétaire. La vie va encore apparaître là-dessus. On va habiter temporairement une planète de transit ou une lune. Ça ne changera pas grand-chose à notre état psychologique, une lune. Et puis, à un moment donné, on descend venir habiter les êtres qui vivent là. Il y a de cela 4 milliards d'années, sur cette foutue planète, des êtres qu'on appelle ésotériquement les seigneurs de la Lune, sont descendus sur le monde et sont venus habiter, posséder le corps d'animal, et ils l'ont transformé pour en faire un animal humain. C'était nous. Coucou. On arrivait d'une planète qu'on avait fait sauter. Et chaque fois que l'humanité repart à zéro, ça lui prend quelques milliards d'années, ça nous en a pris 4 cette fois-ci, pour parvenir à la possibilité technologique de recommencer à se faire péter à fiole. Et là, l'imbécile animal humain va dire, « Ouais, mais c'est pas parce que moi, je change du sol que ça change de quoi. » Alors, qu'est-ce qui arrive de ceux qui font le choix de l'homme nouveau, alors que l'humanité fait le choix de l'homme ancien? Ceux qui cessent d'exister dans le schéma de l'humanité. Eh bien, l'individu qui fait le choix de l'homme nouveau, celui qui décide de travailler pour s'anégoïser. J'ai fait suffisamment de conférences, il y en a ici qui ont fait mon séminaire, savent de quoi je parle. De toute façon, dans les 9 prochaines conférences, on ne va parler que de tout ce qui est essentiel pour s'anégoïser. Tout ce qui est essentiel de connaître pour justement faire le choix de l'homme nouveau. Le choix de l'homme nouveau, ceux qui font le choix de l'homme nouveau alors que l'humanité fait le choix d'un futur possible où l'homme nouveau n'existe pas, mais cette humanité élimine l'homme nouveau. Sauf que l'homme nouveau va être éliminé comment? Tout à l'heure, j'ai dit parce que l'homme ancien va le tuer s'il ne se suicide pas lui-même. Le suicide, c'est l'enfant. Que l'adulte nouveau ne se suicide pas. L'enfant, oui, suicide logique. Il manque d'énergie pour supporter sa condition de martyr. Mais il y a une chose, c'est que dans d'autres humanités que l'homme ancien a fait sauter, il y a eu aussi des êtres nouveaux qui ont fait le choix de l'homme nouveau. Et ces êtres nouveaux qui ont fait le choix de l'homme nouveau ne sont pas nombreux. Sont à peine quelques millions. Et à travers l'évolution de tous ces continuums planétaires, tout à l'heure j'ai dit que l'homme nouveau ne mourrait pas. Alors ils sont toujours là. Et ils attendent qu'une humanité fasse le bon choix pour venir dans cette humanité. Ils font partie de notre futur, c'est-à-dire qu'ils font partie de ce qui doit arriver à notre planète. Et ils ont une tendance à investir l'homme qui a potentiellement une génétique corporelle suffisamment capable de la supporter. Et ils viennent comment? Ils viennent comme des réponses aux questions de l'homme. En admettant que l'humanité fasse le choix de l'homme ancien, tous ceux qui auront fait le choix de l'homme nouveau se feront retirer de l'amont du monde, de notre planète, de la Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disparaîtront simplement de notre planète et ils rejoindront le contingent de ceux qui, dans d'autres humanités, ont fait le choix de l'homme nouveau. L'intuition spirituelle a été capable d'aller fouiller et elle dit que les extraterrestres vont venir sauver l'homme. Non. Les extraterrestres ne viendront pas sauver l'homme. Par contre, l'homme nouveau va venir chercher l'homme nouveau. Et du point de vue planétaire, cela ressemblera à un phénomène extraterrestre. Et si vos corps physiques ne sont pas capables d'être suffisamment éthérifiés, si vous n'avez pas de double éthérique suffisamment constitué, alors il sera nécessaire qu'un vaisseau matériel vienne chercher l'homme nouveau, celui qui aura fait le choix de l'homme nouveau. Et il finira son évolution dans un monde où la mort n'existe pas. La mort de l'identité. Mais cela n'arrivera pas avant l'Apocalypse. Cela arrivera seulement si l'humanité rentre dans une fourche où l'homme nouveau n'existe pas. Et on ne doit pas faire le choix de l'homme nouveau simplement parce qu'on veut être de ceux qui vont être sauvés. Parce que l'homme nouveau reconnaît l'homme nouveau. Il ne dit pas « Qui a fait le choix? » Ceux qui lèvent la main, ils viennent. Non, il dit « Toi, tu viens. » L'autre va répondre « Oui, mais moi, je n'ai jamais fait aucun choix. » Oui, tu as fait le choix depuis 5 ans. Tu vis en homme nouveau. Tu mutes. Tu es frustré par les phénomènes de l'homme ancien. Et tu es frustré parce que tu es frustré. Tu t'écœures d'être écœuré. Tu es mutant. Un autre va dire, moi. Non. Mais j'ai toujours fait comme l'homme nouveau. Et on va lui répondre, non. Tu as copié. Tu as fait semblant. La personne va partir à broyer. Et on va lui répondre, tu vois, c'est la preuve. Il va rester là, lui. Chacun vivra dans son monde. Celui qui fait le choix d'un monde est attiré par le monde qu'il a choisi. Celui qui hésite, celui qui veut mettre une partie de sa vie là au cas, puis une partie là au cas, il risque d'être nulle part, lui. Parce que les moitiés, si l'humanité fait suffisamment de minage, si votre évolution mine suffisamment à l'évolution planétaire, alors il y aura un choix qui sera néotypal, démolissant les vieux archétypes, et la Terre changera. Alors là, nous aurons la visite de millions de phénomènes nouveaux, non plus exclusivement réincarnationnels, mais corporels et terrifiés. Certains parlent du retour du Christ ou des Christ. Certains parlent encore de descente d'extraterrestres. C'est pas comme l'humain le pense. Et parce que le choix aura été fait, toute l'humanité de l'homme ancien aura été balayée car elle se détruira lui-même. Il a toujours aimé se manger. Et certaines parties de notre planète seront colonisées. Et tous ceux qui ne seront pas suffisamment avancés, même s'ils ont choisi d'être des hommes nouveaux, ne pourront pas côtoyer les hommes nouveaux. Ils finiront leur évolution sur cette planète. Ils mourront, gagneront immédiatement des phénomènes réincarnationnels. Ils auront encore des enfants. Et après quelques centaines d'années, ils seront eux aussi terrifiés. Donc, ils auront une fusion avec leur double éthérique. Ils seront immortels, clavot de soi, androgynes. Donc, ils n'auront plus besoin d'enfants parce qu'ils n'ont plus besoin de se réincarner. Parce qu'immortels. Et la planète servira à l'homme nouveau. Alors c'est un choix qu'il y a, et c'est un choix que l'on doit faire. Après cette petite pause, je vais répondre à toutes les questions que vous voudrez poser. Toutes les questions sur ce qui regarde l'homme nouveau, sur l'avenir, ou sur n'importe quoi. Mais travaillons convenablement, puis essayons d'étudier un peu plus ce que peut être l'homme nouveau. Alors on fait une pause et puis on revient.